Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, comme c'est sympa à vous de nous écouter les samedis et dimanches, et aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir une fois de plus notre ami Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Alors, si vous avez l'habitude de nous écouter régulièrement, bah, vous savez que je reçois Philippe Fosseux pour présenter tous les concerts et autres récitals proposés par l'ALMC. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Alors, donc, on va parler de l'avant-dernier concert de la saison. Oui. Un concert qui sera essentiellement beethovenien et un programme comme le public de la LMC les aime, je pense, parce qu'il y aura deux trios magnifiques qui sont les œuvres majeures de Beethoven dans le genre, interprétées par des artistes bien connus, Philippe Cassard au piano, David Grimal au violon et Anne Gastinel au violoncelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme ? Eh bien, tout à fait. Ça fait un petit moment que je voulais d'ailleurs inviter ces trois artistes majeurs sur la scène internationale dans leur formation en trio, et je me suis dit que bien que nous ne soyons qu'en 2026, on allait fêter et célébrer un peu le 200e anniversaire de la mort de Beethoven, puisque l'année Beethoven sera l'année prochaine, avec ces deux trios magnifiques qui sont les deux, je dirais, les deux pièces maîtresses parmi les neuf trios qu'a écrit Beethoven. dont deux posthumes d'ailleurs. Hein, on dit toujours les sept trios, mais en fait ils sont neuf. Ouais. Et encore, on ne compte pas les œuvres de jeunesse. Et puis les œuvres avec variation, oui, dans la même formation. Mmh. Voilà. Donc deux trio majeur dans sa carrière. Alors la saison prochaine, vous recevrez le trio Wanderer, qui lui est spécialisé dans le répertoire pour trio, qui ne fait ça que depuis des décennies. Oui. Et là, on a affaire à trois solistes. Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'il faut quand même avoir beaucoup joué ensemble pour aborder le registre du trio, qui est quelque part un peu bancal. Évidemment, trois, c'est plus moins évident qu'à deux ou à quatre. Oui, alors trois, c'est le trio, c'est le parfait équilibre logiquement entre tous les instruments. C'est vraiment ce qui est fait. Le quatuor est différent, mais c'est la présence du piano qui change tout dans le trio, qui donne un équilibre général et qui laisse la place. Et c'est le cas en tout cas dans ces deux trios, mmh, qui laisse largement la place à chaque instrument de s'exprimer et d'être le soliste chaque fois. Alors non, ça gêne pas trop. Alors c'est vrai que Wanderer... Mais ils ont l'habitude de jouer ensemble, ces trois? Ah, ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble. Ah, c'est un trio qui existe depuis 20 ans. Oui, oui, c'est important, bien sûr. Oui. Ça n'est pas juste une rencontre fortuite, c'est tout à fait quelque chose qu'ils font. Alors, c'est vrai qu'en même temps, ils poursuivent chacun leur propre carrière, mm-hmm, évidemment. Bien. On va écouter un peu du trio Les Esprits de Beethoven. On va écouter le Presto, troisième mouvement. Je rappelle que vous avez établi le programme de l'émission, programme musical, et évidemment, vous avez eu envie de passer Beethoven, ce trio qui sera joué le lundi 27 avril à 20h, salle Poirel, par donc Philippe Cassard au piano, David Grimal au violon, Anne Gastinel au violoncelle. On les retrouve justement dans Beethoven et ce trio. Thank you. extrait du trio Les Esprits de Beethoven, le premier mouvement, interprété par Philippe Cassard au piano, David Grimal au violon et Anne Gastinel au violoncelle. Les trois seront présents en trio le lundi 27 avril dans le cadre des concerts de l'association Lorraine de musique de chambre. Très belle interprétation, hein, Philippe Fosseux. Oui, moi je trouve que c'est une très très belle interprétation, très sensible, pas trop affectée, c'est bien. Oui, on en réécoutera un petit extrait tout à l'heure de ce disque consacré au trio de Beethoven par ces trois-là. Donc, je le disais tout à l'heure en introduction de l'émission, vous avez établi le programme, de notre, programme musical de notre émission et vous avez souhaité passer du Brahms, la deuxième symphonie, avec Raphaël Kubelik. Alors là, on est loin de votre domaine, Philippe, la on musique est loin, de chambre. Oui, on est loin de la musique de chambre, mais moi j'aime toute la musique, alors quelle qu'elle soit, et la musique symphonique est strictement incontournable. Donc c'est logique que je ne vous proposerai pas que de la musique de chambre dans une programmation comme celle-ci. Ouais. Alors Brahms, justement, il sera très présent, je crois, de la saison prochaine. Il est pas mal présent, effectivement, oui. Ouais. Alors c'est pas l'année Brahms, mais c'est le choix de nos musiciens. Brahms est présent dans tous les répertoires, il est présent dans tous les programmes, il est difficilement contournable. C'est incroyable ce chemin qu'a établi l'œuvre de Brahms en France, parce que je sais que dans les années 60, j'étais petit, mais enfin dans les années 60, Brahms n'était pas tellement joué en France, pas tellement compris par le public français, peu joué par les interprètes, de fait. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être le romantique le plus apprécié, absolument, peut-être plus joué encore que Chopin. Oui, comme je vous le disais, quand je fais des choix de programmation, j'ai énormément de mal à contourner Brahms, parce qu'il y a toujours du Brahms, quoi qu'il arrive, ouais, dans les programmes. Au minimum, il y a une œuvre de Brahms. Allez, on va écouter un peu de cette deuxième symphonie de Johannes Brahms, le troisième mouvement. Allegretto presto, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Raphaël Kubelik. Thank you. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Radio Fadjet les samedis et dimanches de 11h à midi. Et nous écoutions un peu de la symphonie numéro 2 de Johannes Brahms, le final avec l'orchestre philharmonique, non pas le final, le troisième mouvement, avec l'orchestre philharmonique de Vienne que dirigeait Raphaël Kubelik, le choix de mon invité Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Donc un concert, on va le rappeler, le lundi 27 avril à 20h, salle Poirel. Y a-t-il encore des places disponibles ? Il y a encore quelques places disponibles, effectivement. On peut se précipiter sur son ordinateur ou son téléphone et aller sur le site de la salle Poirel pour réserver. Et puis, bien sûr, on peut se déplacer, salle Poirel. On peut y aller aussi tous les après-midi de 14 à 18h. Alors, donc là, ça va être bientôt le bilan de la saison, je pense, pour vous. Est-ce que le nombre d'abonnements reste stable ? Alors, le nombre d'abonnements reste quasiment stable. On perd et on gagne à peu près la même chose chaque année. Donc là, on est dans les hauteurs, on est dans les maximums atteints. Par contre, on est un tout petit peu plus faible. On sent une faiblesse, mais c'est vrai pour à peu près tous les concerts, en billetterie individuelle. Ouais. Les gens se déplacent moins, ils prévoient moins à l'avance. C'est plutôt du dernier moment. Ouais. Et là, il y a une petite faiblesse de la billetterie individuelle, mais bon, ça n'est pas hyper significatif. Le monde de la culture dit souvent, enfin, dit depuis quelques années, depuis le Covid, que justement cette épidémie de Covid où chacun restait chez soi a tué quelque part aussi le spectacle vivant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je pense qu'effectivement, ça a eu un fort impact sur la capacité de déplacement des gens le soir. C'est vrai qu'ils se sont trouvés bien chez eux, ils sont habitués à regarder la télévision, ou à faire autre chose, ou à bouquiner dans leur coin, mais pas à se retrouver. Et c'est dommage, parce qu'on le voit bien dans nos concerts, les entractes et les fins de concerts, c'est le forum, c'est le quaraï, quoi, tout le monde est là. Par l'échange, se rencontre, parle de la soirée, et puis se rappelle les bons souvenirs. Puis il y a toujours un copain qu'on retrouve. Oui, et ça, c'est ça qui est important, à mon avis, dans le spectacle vivant. Alors, après Brahms, vous avez eu envie d'écouter un peu de Maurice Ravel. Alors là, il n'y a pas vraiment de point commun direct entre Brahms et Ravel, mais il y en a un quand même, je trouve, c'est que les deux suscitent l'enthousiasme du public et des interprètes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, je pense que Ravel a de plus en plus, ça a été un des compositeurs les plus joués, et ça l'est encore. Et puis ça l'est d'autant plus que tout est tombé dans le domaine public, alors que c'était pas encore le cas il y a un an. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a là quelque chose d'important. Et puis en plus, la version qu'on va écouter, c'est une pianiste ukrainienne. J'avais envie d'avoir un artiste ukrainien dans cette Anna Federova. C'est aussi l'avant-dernière œuvre qu'est composée Ravel. Il composera ensuite les chansons Don Quichotte et Dulcinée, et puis ensuite il s'arrêtera. Sa maladie l'empêchera de composer, il s'arrêtera. Donc on est dans la fin de vie de Ravel, et c'est un concerto magnifique, comme le concerto pour la main gauche. On est dans la même veine. On va écouter le presto final qui est un peu jazzy avec donc Anna Federova au piano, l'orchestre symphonique des Castigli León dirigé par Pablo González. Thank you. Ça, c'est une pièce qui est vraiment jouissive pour tous les pianistes. Tout hein, à fait. Hein. Il y a peu de pianistes qui aiment peu jouer, qui n'aiment pas jouer Ravel et surtout ce concerto. Finale du concerto en sol de Ravel avec Anna Federova au piano, l'Orchestre symphonique des Castilles et León, direction Pablo González, le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Alors, Philippe, Le programme de l'AMC, il est disponible déjà sur le site Alors, le programme de l'AMC va être visible dans quelques jours sur le site. J'attends d'avoir terminé le concert du mois de mai pour pouvoir le publier. Par contre, les livrets de présentation de la saison sont déjà disponibles. Ils ont été adressés aux 1000 personnes qui attendent ce livret. Et il sera disponible bientôt un petit peu partout. D'accord, oui, parce qu'on peut le trouver dans les magasins spécialisés. Dans les magasins, dans les musées, dans les cinémas, musées, à différents endroits. C'est bien. On continue notre programmation musicale que vous avez établie, Philippe Fosseux, avec la marche au supplice de la Symphonie Fantastique de Berlioz. Alors, Berlioz, c'est peut-être un compositeur, l'un des rares d'ailleurs, qui ne sera jamais à l'affiche de la LMC, à moins que vous prévoyiez un programme de mélodie, par exemple les Nuits d'été de Berlioz, pourquoi pas, avec piano et chant. Oui, alors effectivement, Berlioz, musique de chambre, pauvre partie de la musique de Berlioz, j'avoue que j'ai pas en tête une œuvre qui puisse être jouée, mais effectivement, toute la partie chant peut être faite, mais c'est quelque chose qu'on fait quand même moins souvent. Oui. On a moins de vocales en dehors des grands groupes. Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que le public n'est peut-être pas forcément habitué. Il n'est pas habitué et ça n'est pas la demande. C'est une demande plutôt marginale. D'accord. Bien, on va écouter donc un peu de Berlioz, la Symphonie Fantastique, son œuvre la plus célèbre, la Marche au Supplice. Qu'est-ce qui vous touche dans cette musique, Philippe ? Oh, j'aime bien l'ensemble, l'ambiance générale. J'aime bien cette espèce de scène descriptive assez belle, avec une originalité de l'orchestration. C'est un ensemble qui me convient bien. Bon, on va rappeler que c'est une œuvre quasi autobiographique. Berlioz, eh bien, c'est mis en scène à travers un amoureux et conduit d'une jeune femme. Fait. Et puis, alors il la voit danser avec un autre. Il est jaloux. Il y a une scène pastorale où il entend des bergers qui se répondent. Et il pense à sa belle. Et puis, dans un rêve d'opium, il a tué la jeune femme. Et justement, il est condamné à mort. Hein. Ça rigole pas à cette époque-là, à l'époque de Berlioz. Hein. Allez, on écoute la marche au supplice de la Symphonie Fantastique. Vous avez choisi une version de référence, celle du London Symphony Orchestra, dirigée par Sir Colin Davis, le grand spécialiste britannique de cette musique. Thank you. oui, c'est presque un film fantastique, hein, la symphonie fantastique, avec justement le couperet qui tombe à la fin, on l'entend bien, hein, le couperet de oui, la guillotine. Hein. Couperet de la guillotine et la gloire du timbaliste. Ah oui, alors c'était donc la marche au supplice tirée de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, London Symphony Orchestra, direction Sir Colin Davis, vraiment le maître de Berlioz. Toujours le choix de Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Alors, la LMC propose toujours ses concerts à la salle Poirel. Est-ce que vous avez eu parfois la tentation de choisir une autre salle et pourquoi pas de décentraliser par rapport à Nancy vos concerts? Alors, c'est vrai qu'on reste à la salle Poirel. Nous étions avant souvent à l'Opéra et à la salle Poirel. Oui. Pour diverses raisons d'occupation, tout simplement, il faut trouver des dates libres. La salle Poirel s'est trouvée être le plus facile pour nous. Et surtout, ça s'est trouvé être ce que préfèrent les abonnés. C'est une question d'acoustique. Ouais. L'acoustique de la salle Poirel est absolument parfaite pour la musique de chambre. Elle est idéale pour les cordes, ce qui n'est pas forcément le cas de l'opéra qui n'est pas construit pour ça. C'est un opéra à l'italienne. Il est prévu pour la voix essentiellement, et les voix puissantes avec un orchestre puissant. Alors la décentralisation beaucoup plus difficile à faire dans le. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles à Nancy qui se prêtent bien. À Vendeuvre peut-être, non? À Vendeuvre peut-être, mais on n'a pas les 800 places dont on a besoin. Hein, on a besoin de 800 places environ chaque fois. On ne les a qu'à la salle Poirel. Ou à l'opéra où on en a plus, mais là encore l'opéra est bien chargé et trouver des dates qui conviennent c'est devenu de plus en plus difficile. Et les autres salles, ma foi, ne remplissent pas les conditions. Le palais des congrès est hors de prix et ce ne serait pas très bien adapté. Donc, disons qu'on est fidèle à la salle Poirel et je pense que nos abonnés apprécient. Oui, même si c'est pas facile de se garer quand on le soit. C'est pas facile de se garer, c'est peut-être un handicap. Il faut venir en vélo. Oui, enfin bon, beaucoup de têtes blanches quand même dans vos abonnés. Je suis d'accord. Alors, on va continuer à découvrir votre programmation musicale. Et maintenant, on va écouter, après Berlioz, un peu de Wagner. Wagner qui avait écrit à Berlioz l'auteur, le compositeur de Tristan et Isolde, à celui de hommage à celui de Roméo et Juliette. C'est un beau billet, je trouve, hein, pour une fois. Wagner n'avait pas eu la dent dure, pour une fois. Oui, c'est pour une fois, oui, c'était plutôt rare. Oui. Donc, Wagner, le Tannhauser, un opéra que vous aimez bien? Oui, j'aime bien Wagner dans son ensemble. Je suis un petit peu impatient dans les opéras un peu longs de Wagner et dans un certain nombre d'airs qui sont parfois un petit peu difficiles. Mais j'aime beaucoup ce Cœur des pèlerins parce que le voyage pénitentiel, quand on regarde le texte de ce qui est chanté, heureux je puis te revoir, ô chère patrie, et saluer joyeux ton paysage aimé. Tout à fait romantique, c'est le plein romantisme allemand. Oui, c'est bucolique. C'est bucolique, absolument. Printanier, on va dire. Voilà. Allez, on va écouter un peu de Tannhauser, le Chœur des pèlerins, interprété par le chœur du Staatsoper de Vienne, l'orchestre du Volksoper de Vienne, tous dirigés par Franz Bauer Tössel. S'il n'avait écrit que cela, Wagner serait quand même passé à la postérité. Totalement. Hein. Totalement. Alors, oui. C'était le Chœur des pèlerins de Tannhauser. Je vous laisse dire le nom des interprètes, Philippe. Ah oui, le chœur du Staatsoper de Vienne et l'orchestre du Volksoper de Vienne, direction Franz Bauer Teussel. Bien. Bon, 10 en allemand, hein, 10 sur 10. Merci. Alors, on continue avec Chausson, le concert, la Sicilienne. Ça, c'est une page très connue, peut-être la seule connue vraiment de Chausson, d'ailleurs, hein, compositeur français. Connue, oui, oui, peut-être la seule, effectivement. Chausson est assez peu joué, mais j'ai bien l'intention d'en faire jouer, d'ailleurs, à la LMC beaucoup plus très bientôt. Un petit mot sur la programmation de l'année prochaine. Il y a un fil conducteur, quelque chose, non ? Alors, le fil conducteur, il est toujours le même. Pour moi, c'est un équilibre entre les différentes formations musicales, piano, trio, violoncelle, violon-piano, etc., chœur. Et en tout cas, il y aura l'année prochaine un concert qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui qui donnera le Requiem de Fauré et la cathédrale incendiée, qui est une œuvre très méconnue d'Albert Alain, le père de Marie-Claire Alain, l'organiste, puisque j'ai chanté personnellement cette œuvre il y a très très longtemps. J'avais envie de la redonner parce qu'elle a pas été enregistrée et elle est peu donnée. Et en plus, j'aurai le plaisir d'accueillir la fille de Marie-Claire Alain pour ce concert, qui viendra nous parler de la famille, de son père, son frères qui sont eux compositeurs avec de très belles œuvres. Il y aura de très belles choses et on aura ça avec orgue et chœur, avec trois très beaux chœurs locaux et nationaux. D'accord. Bon, bah, très bien. On note la date. De toute façon, c'est disponible, bien sûr, sur le site de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Eh bien, voici un peu de chanson, la Sicilienne tirée du concert. Vous avez choisi une version avec l'ensemble Giardini, bah, ce sont aussi des gens que vous avez reçus, non ? Ce sont des gens qu'on a reçus, oui. J'essaie en général de privilégier un peu les gens qu'on a reçus, parce que ça me fait revivre un peu les moments que j'ai passés avec eux. C'est évident. et en plus, c'est une version intéressante parce qu'elle a une tonalité orchestrale globale beaucoup plus intéressante que la simple version qu'on entend d'habitude. Avec au violon, renforcé violon, oui. Par Pierre Fouchenerey. Fouchenerey. Au piano, David Violi. Non, c'est rien. La Sicilienne du concert d'Ernest Chausson avec l'ensemble Giardini, Paul Fouchneret au violon, David Violi au piano, le choix de mon invité qui est toujours présent dans le studio, c'est Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Philippe, la saison prochaine, vous proposerez encore un programme pour les enfants ? Il y aura effectivement un programme pour les enfants, comme il y en a un tous les ans, dans chaque saison, au mois de décembre, deuxième dimanche de décembre. Mmh. C'est assez traditionnel. Et ce sera un très très beau spectacle. Ce sera un spectacle très complet, avec de la musique d'abord, piano et violon. Et puis un grand récitant qui est Janowski, mmh. Avec une voix de cantor superbe, qui est déjà venu plusieurs mmh. fois, notamment pour le programme de Melbonis récemment. Et puis une acrobate qui, en principe, sera au trapèze pendu dans les cintres de Poirel. C'est un très beau spectacle avec une belle mise en scène. Bien, bon, on va noter tout ça. Donc, on va reparler quand même, on va donner la date du prochain concert de l'association Lorraine de musique de chambre. Lundi 27 avril, 20h, salle Poirel, qu'on se le dise, avec un programme de musique de chambre pure, Beethoven, les deux grands trios, avec Philippe Cassard au piano, David Grimal au violon, Anne Gastinel au violoncelle. Et ben, pour terminer l'émission, on va les retrouver dans le trio à l'Archiduc, c'est aussi votre choix. C'est effectivement le grand trio de Beethoven, le dernier qu'il ait fait, dernier en date, pas forcément le dernier dans la classification, mais c'est une superbe œuvre, c'est magistral. Final du trio Les Esprits de Beethoven, que vous pourrez écouter dans son intégralité, bien sûr, le lundi 27 avril à 20h, salle Poirel. Merci beaucoup, Philippe Fosseux. Merci à vous de m'avoir reçu. Eh bien, Philippe, on vous retrouvera pour le dernier concert de la saison, ça sera le 18 mai, hein, c'est quelque chose comme ça. C'est le 18 mai. Avec la petite messe solennelle de Rossini. De Rossini, dans sa version originale. Eh bien, on prend rendez-vous avec vous pour l'émission, une nouvelle émission à cette période. Merci beaucoup, ben, on se retrouve nous demain dimanche, à partir de 11h. Pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Je vous souhaite un excellent samedi et à demain!